北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4. 您好，很高兴又和您在法语三百句节目中见面了。我是彭文娟。 Bonjour, chers amis. Je suis Marc et je suis content de vous rejoindre. 在今天的节目中，我们将学习第20课，看看怎样表达感谢和祝愿。 Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon 20, les remerciements et les souhaits. 在进入新的学习之前，请您听一段小对话。 Bonjour Lucie. Bonjour Marc. Tu vas partir pour Shanghai par avion? Tu m'as proposé de prendre l'avion et je n'ai pas encore décidé. Ce n'est qu'une proposition. Tu peux faire comme tu veux. Oui, je suis d'accord avec toi. L'avion est beaucoup plus rapide que le train, mais c'est cher aussi. Oui, c'est vrai. Mais je crois que ça te donnerait plus de temps pour visiter la ville. Tu as raison. Merci beaucoup. 在上面的小对话中，我们又复习了关于建议、劝告的一些表达法。最后，马克说道 ：“Merci beaucoup， 非常感谢，这是经常用到的表达感谢的说法。在国外，朋友之间、亲人之间，当一方得到另一方的帮助时，也往往说谢谢。如果想说谢谢你的建议，可以说 Merci de tes conseils。 Merci beaucoup。Merci beaucoup。” 口语中经常说 merci 或者 merci beaucoup， 在重要的场合则需要说的正式一些。 Permettez-moi de vous présenter mes remerciements sincères。 请允许我向您表示衷心的感谢。Permettez 是从原形动词 permettre 变位来的，它的句型是 permettre à quelqu'un de faire quelque chose。表示感谢可以说 présenter。C'est remerciement. Permettez-moi de vous présenter mes remerciements sincères. Permettez-moi de vous présenter mes remerciements sincères. Remerciement 是一个名词，经常使用它的复数形式。它的动词形式是 remercier. Je ne sais pas comment vous remercier. 我不知道怎样感谢您才好。 Je ne sais pas comment vous remercier. Je ne sais pas comment vous remercier. 当别人对您非常客气、周到时，您还可以这样说。 Je suis vraiment confus. 我真过意不去。Confus 是一个形容词，意思就是惭愧、过意不去。 Je suis vraiment confus. Je suis vraiment confus. 马克，我们学过了这么多对别人表示感谢的话，那当别人感谢我们时该怎么说呢？ Je vous en prie, 或者 Il n'y a pas de quoi. 不客气，或者不用谢。其中后一句也可省略成 pas de quoi。另外，日常生活中熟人之间也可说 de rien, 表示不客气或者不用谢。 Je vous en prie, Il n'y a pas de quoi.Je vous en prie, il n'y a pas de quoi. 下面我们把刚才的内容复习一遍。 Merci beaucoup. Permettez-moi de vous présenter mes remerciements sincères. Je ne sais pas comment vous remercier. Je suis vraiment confus. Je vous en prie, il n'y a pas de quoi. 我们再读一遍。 Merci beaucoup. Permettez-moi de vous présenter mes remerciements sincères. Je ne sais pas comment vous remercier. Je suis vraiment confus. Je vous en prie, il n'y a pas de quoi. 现在收听的是法语三百句节目。刚才我们学过了表示感谢以及不用谢的用语，现在我们学习如何表达祝愿。在节日之际，朋友之间、亲人之间经常互相祝愿。 Bonne année, bon anniversaire, joyeux Noël。 新年好，祝你生日愉快，圣诞节快乐。 Bonne année, bon anniversaire, joyeux Noël。Bonne année, bon anniversaire, joyeux Noël。 另外还有这样的短语也可表达祝愿。 Bonne santé et bon succès dans votre travail. 祝你身体健康，工作顺利。Santé 就是健康。Succès 意思就是成功。 Bonne santé et bon succès dans votre travail. Bonne santé et bon succès dans votre travail. 当您与一位刚来到中国的朋友见面后，可以这样对他说。 Je vous souhaite un bon séjour en Chine. 祝您在中国逗留期间过得愉快。Souhaite 意思是祝愿，它的句型结构是 souhaite quelque chose à quelqu'un. Séjour 指的是短暂的逗留。 Je vous souhaite un bon séjour en Chine. Je vous souhaite un bon séjour en Chine. 马克，听说你不久就要回法国了，是吗？ 是的， j'espère que nous pourrons nous revoir bientôt en France. 我希望不久我们能在法国再次相见。 J'espère que 意思就是我希望，后面一般用一般将来时态，再见就是 se revoir。 由于主语是 nous， 所以 se 相应的变成了 nous。 J'espère que nous pourrons nous revoir bientôt en France.J'espère que nous pourrons nous revoir bientôt en France. 在新年到来的时候，我们也经常祝愿我们的朋友。 Je souhaite que tout aille bien pour vous pendant la nouvelle année. 我祝愿您在新的一年里万事如意。在这个句子中使用了 je souhaite que 这个结构。 Je souhaite que tout aille bien pour vous pendant la nouvelle année.Je souhaite que tout aille bien pour vous pendant la nouvelle année. 下面我们把本课的主要内容复习一下。 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Présentez ces remerciements. Permettez-moi de vous présenter mes remerciements sincères. Remercier. Je ne sais pas comment vous remercier. Je vous en prie. Il n'y a pas de quoi. Bonne année. Bonne année. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bonne santé et bon succès dans votre travail. Bonne santé et bon succès dans votre travail. Souhaitez. Je vous souhaite un bon séjour en Chine. Je souhaite que tout aille bien pour vous pendant la nouvelle année. Espérer. J'espère que nous pourrons nous revoir bientôt en France. 听众朋友，我们今天的节目到这里就要结束了。最后，我们祝您永远拥有一份好心情。好，感谢您的收听，下次节目再见。 Moi aussi, j'espère que vous serez toujours de bonne humeur. Merci de votre attention et au revoir. 这次的外语实用口语三百句讲座节目播送完了。 That second chance for a break. some distraction. Oh, beautiful release. Memory seeps from my veins. Let me be empty. 北京人民广播电台教学广播有线调频99.4兆。